Jessica Simpson, pardon, avec sa reprise du titre Take My Breath Away sur RGM. Presque 8h36, on parle maintenant anniversaire avec ceux qui sont nés un 10 juillet 1945, naissance de Jean-Marie Poiret, réalisateur, scénariste, producteur français, réalisateur et scénariste du film Les hommes préfèrent les grosses, Le Père Noël est une ordure, Papy fait de la résistance, L'opération Cornette Beef, Les visiteurs, Les anges gardiens, Les couloirs du temps, Les visiteurs 2, Les visiteurs en Amérique, Ma femme s'appelle Maurice, Les visiteurs, La révolution, scénariste du film On a retrouvé la 7e compagnie ou encore la 7e compagnie au clair de lune. 1948, naissance de Christine Caron qui fut nageuse française, vice-championne olympique du 100 mètres d'eau en 1964 et championne d'Europe du 100 mètres d'eau en 1966. 1958, naissance de Fiona Shaw, actrice irlandaise, connue pour son rôle de Petunia Dursley dans Harry Potter à l'école des sorciers, Harry Potter et la chambre des secrets, Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, Harry Potter et l'ordre du phénix et Harry Potter et les reliques de la mort, première partie, vue également dans le film Le Dahlia Noir dans le rôle de Ramona Lynn Scott. 1968, naissance de Jonathan Gilbert, acteur américain, connu pour son rôle de Willie Olsen dans la série télé La Petite Maison dans la Prairie. 1976, naissance de Ludovic Julie, ancien footballeur français, ayant fait carrière de 1994 à 2013 en jouant à Lyon, à Monaco, club avec lequel il était champion de France en 2000, Barcelone, champion d'Espagne en 2005 et 2006, Rome, Paris Saint-Germain, de nouveau Monaco, et il a terminé sa carrière en jouant à Lorient. 1977, naissance de Chiwetel Ejiofor, acteur britannique, vu dans Love Actually dans le rôle de Peter, Inside Mine, l'homme de l'intérieur dans le rôle du détective Bill Mitchell, 2012, Salt, 12 Years a Slave dans le rôle de Solomon Northup, Seul sur Mars dans le rôle de Vincent Kapoor, Doctor Strange dans le rôle de Mordo, qu'il a d'ailleurs repris dans Avengers Endgame, et il sera à l'affiche du film Maléfique, Le Pouvoir du Mal. 1980, naissance de Jessica Simpson, chanteuse américaine. En 1989, décédé Mel Blanc, acteur américain spécialisé dans le doublage des dessins animés. Il a été, entre autres, la voix de Bugs Bunny, Daffy Duck, Speedy Gonzales, Woody Woodpecker, Titi, Gros Minet, Bip Bip, ou encore Taz, le diable de Tasmanie. Et en 2015, décédé Omar Sharif, acteur égyptien, vu dans Laurence d'Arabie dans le rôle du shérif Ali Ibn El Karish, le docteur Jivago dans le rôle de Yuri Jivago, ou encore la fabuleuse aventure de Marco Polo. Allez, mercredi, c'est la journée des enfants, même si ces derniers sont en vacances. Mais c'est surtout la journée des sorties cinéma. On commence tout de suite avec Anna, un film d'action thriller de Luc Besson avec Sacha Luce, Hélène Mirren ou encore Luke Evans. Autre film, Premier de la classe, comédie de Stéphane Benlassen avec Moutamba Kalojni, Pascal Nzonzi et Michel Larocque. Autre film, Annabelle, la maison du mal, film d'épouvante, d'horreur de Gary Doberman avec McKenna Grace, Madison Eastman ou encore Cathy Sarif. Autre film, Ugly Dolls, un film d'animation. Et on termine avec Akusada, un drame thriller judiciaire de Gonzalo Tobal avec Lali Esposito, Gael Garcia Bernal ou encore Leonardo Sbaraglia. Voilà pour les sorties cinéma. On va tout de suite marquer une nouvelle pause musicale avec Ed Sheeran, Justin Bieber, I Don't Care. I'm at a party I don't wanna be at, and I don't ever wear a suit and tie yet. Wondering if I can sneak out the back, nobody's even looking me in my eyes. Can you take my hand, finish my drink, say shall we dance? Hell yeah. You know I love you, did I ever tell you? You make it better like that. Don't think I fit in at this party, everyone's got so much to say. Yeah, I always feel like I'm nobody. Who wants to fit in? I don't care when I'm with my baby, yeah. All the bad things disappear. You're making me feel that maybe I am somebody. I can deal with the bad nights when I'm with my baby, yeah. Cause I don't care as long as you just hold me near. You can take me anywhere. You're making me feel like I'm loved by somebody. I can deal with the bad nights when I'm with my baby, yeah. We at a party we don't wanna be at. Trying to talk but we can't hear ourselves. Speechless, I'd rather kiss a right back. With all these people all around, I'm crippled with anxiety. But I'm told it's where we're supposed to be. You know what? It's kinda crazy cause I really don't mind. Can you make it better like that? Don't think we fit in at this party. Everyone's got so much to say. Oh yeah, yeah. When we walked in I said I'm sorry. But now I think that we should stay. Cause I don't care when I'm with my baby, yeah. All the bad things disappear. Making me feel like maybe I am somebody. I can deal with the bad nights when I'm with my baby, yeah. Oh yeah, yeah, yeah. Cause I don't care as long as you just hold me near. You can take me anywhere. You're making me feel like I'm loved by somebody. I can deal with the bad nights when I'm with my baby, yeah. Nobody but you, it's like you're the only one here. I don't like nobody but you, baby. I don't care. I don't like nobody but you. I hate everyone here. I don't like nobody but you, baby. Yeah, cause I don't care when I'm with my baby. Yeah, oh yeah. All the bad things disappear. You're making me feel like maybe I am somebody. Maybe I'm somebody. I can deal with the bad. I don't care, Ed Sheeran, Justin Bieber sur le 107FM. Il est pile 8h43, on fait un point météo. La météo. Belle journée encore ensoleillée aujourd'hui, des températures comprises entre 12 et 13 degrés ce matin, entre 23 et 25 degrés pour cet après-midi. Jeudi sera principalement une journée nuageuse, mais on devrait quand même apercevoir un petit peu le soleil. Des températures comprises entre 11 et 12 degrés demain matin, entre 21 et 23 degrés pour demain après-midi. Vendredi, soleil et nuages, des températures comprises entre 15 et 16 degrés le matin et entre 24 et 26 degrés prévus pour vendredi après-midi. Allez, on file tout de suite faire un point sur l'actu sportive. Les résultats sportifs. On commence avec le Tour de France. Hier, la quatrième étape arrivée à Nancy, arrivée au sprint remportée par l'Italien Viviani, un coéquipier de Julien Alaphilippe. Quatrième place pour Peter Sagan et le premier français, c'est Christophe Laporte qui s'est classé dixième. Pas de changement pour les maillots distinctifs pour l'étape d'aujourd'hui. Le maillot jaune sera toujours sur les épaules de Julien Alaphilippe et on parlait de Peter Sagan, toujours le maillot vert. Cinquième étape aujourd'hui donc, et ça passe eh bien par chez nous, hein. Ça part de Saint-Dié pour une arrivée à Colmar, 175,5 km à parcourir, c'est une étape dite accidentée, un sprint intermédiaire au kilomètre 71, il y aura également deux côtes de troisième catégorie et deux côtes de deuxième catégorie. Alors dans les Vosges, à part Saint-Dié, ils passeront par Romamex, Provenchères sur Fave, pour citer vraiment les plus grandes villes. Le col de Salles, ensuite direction le Bas-Rhin avec plusieurs villes. Et il y aura également la côte donc de Grendelbruck, à vos souhaits. Et il y aura donc le sprint au kilomètre donc 71. Ce sera à Eligenstein et la côte du Haut-Königsbourg. Il y aura également, je suis en train de chercher, la côte des Trois Épis et la côte des Cinq Châteaux. Donc pour une arrivée à Colmar prévue aux alentours de 17h15.